messaggio. DJ Hamina numero uno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah, DJ Hamina numero uno. Si soprannava Necklace Style à la BMX Party 2014. La compu de l'été, destination Dubaï, Miami, Marrakech. DJ Hamina, soprannava à la BMX Dance. À la bien 2014, DJ Hamina fait bouger les gazons. Le ton vert, c'est le retour du soleil, mais c'est si style. Dans le bloc numéro 1, c'est Hamida. Avec la Bahana, avec le Sahara. خرج المحيا في البيتي اللي تيطونجي ست صباح صدا لابيسين بو حد ما بلونجي جيت لحميدة خلاش فرتي موطور يعطيك سيدة Les pompes en l'air, ce soir c'est la guerre. Les mains en l'air, ce soir c'est la guerre. Un soudé comme du Mormaïda. Depuis qu'ils sont dans ton poulet d'où ta chorta. Les pompes en l'air, les mains en l'air. Algérien, Marocain, Tunisien, fier. Tous en matraque de la France jusqu'au pays. Hello, c'est le Maroc. DJ Hamida, Paris la capitale, capitaine comme Eric Capital. Hamida, tu vois qui peut faire mieux. Couillère, t'as d'un roi, un homme intégré. Alliance, au plat, Hamida, c'est dangereux. Vas-y, brûle la biche, tu marocain comme l'artiste. Alors bien, c'est Hamida au mix. J'ai un showcase à Jamal Fna en Bermuda sur une calèche. Ce soir, c'est moi qui vous régale. J'fais que du lourd et que du sale. Symphonisé Hamida au platine. Bouge ton squelette, ta chèque, ma moutardine. Alors bien, mix party. 2014. Alors là les gars, je suis pas trop rail, mais franchement, sortez que les rouillards.